Jeanne et Louise, les familles des transportés. De Eugène Sue. À la mémoire de Charles Baudin, représentant du peuple, mort pour la défense de la République et de la Constitution, le 3 décembre 1851, sur la barricade de la rue Sainte-Marguerite. Ce livre est dédié par Eugène Sue. 4 novembre 1852.